Le 3 décembre, selon les presses de Séoul, les partis d'opposition sud-coréens ont critiqué catégoriquement Park Geun-hye, qui recourt à la ruse pour conserver sa pauvre vie à l'encontre de l'opinion publique. D'autre part, le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple a inséré le 2 un éditorial contre la lâcheté du parti pour un nouveau monde qui s'oppose à la destitution de Park Geun-hye.